Le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée, Anders Christensen, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Vectusan 2017 et sa suite, et la délégation du comité préparatoire danois pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Vectusan 2017, conduite par Jonny Mortensen, sont arrivés le 8 août à Pyongyang par avion pour participer au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Vectusan.